Nouvelle dixième, les railleurs raillés ou le vieillard amoureux. Il n'y a pas longtemps qu'il y avait à Bologne un très habile médecin nommé Maître Albert. À l'âge de 60 ans, son esprit était encore vert et plein d'agréments. Quoique son corps eût perdu, comme il est aisé de le penser, sa chaleur naturelle, il ne laissait pas d'être encore sensible aux tendres mouvements de l'amour. Il aperçut un jour, à une fenêtre, une très jolie veuve, nommée, à ce que plusieurs personnes m'ont dit, Marguerite Chisolieri. Cette dame fit une telle impression sur lui qu'il l'avait continuellement dans l'esprit, et comme s'il eût été encore dans la vigueur de l'âge, il ne pouvait fermer l'œil la nuit quand il avait passé le jour sans la voir. De là, il vint qu'il allait et venait sans cesse, tantôt à pied et tantôt à cheval, sous ses fenêtres. La belle veuve ne tarda pas, ainsi que plusieurs autres dames, ses voisines, de s'apercevoir de cette affectation. En ayant deviné le motif, elles rirent souvent ensemble de voir un homme de cet âge et de cette gravité si passionnément amoureux, comme si l'amour ne pouvait ou ne devait se faire sentir qu'aux jeunes gens sans expérience. Pendant que le docteur continuait ses promenades devant le logis de Madame Chisolieri, il la trouva un jour de fête assise sur le seuil de sa porte avec plusieurs autres dames. La jeune veuve, l'ayant aperçu de fort loin, complota aussitôt avec ses compagnes de le bien accueillir, afin d'avoir occasion de le railler sur son amour. Elle se lève pour le saluer, et l'ayant ensuite engagé d'entrer dans une cour pour respirer le frais, elles le régalèrent de confitures, de fruits et de vins excellents. Sur la fin de la collation, elles lui demandèrent, en termes honnêtes et ménagers, comment il était possible qu'il se fût épris d'une dame qui avait plusieurs amants, jeunes, aimables, pleins de grâce et de gentillesse. Le médecin, qui vit bien qu'on le badinait et qui en fut piqué, s'adressant à la veuve, répondit d'un ton également honnête mais accompagné d'un sourire malin, « Madame, aucune personne sage ne sera étonnée de me voir amoureux, et encore moins de vous qui en valez si fort la peine. Quoique les années ôtent les forces nécessaires pour bien remplir les exercices de l'amour, elle n'ôte cependant pas les désirs ni le discernement qu'il faut pour voir ce qui est vraiment aimable. Au contraire, comme les hommes âgés ont plus d'expérience, aussi distinguent-ils mieux ce qui mérite de l'attachement et de l'amour. Voulez-vous que je vous dise ce qui m'a déterminé à vous aimer et à suivre ma pointe, quoique vous ayez plusieurs jeunes soupirants? C'est, madame, que je me suis plusieurs fois trouvé en divers lieux où j'ai vu des dames collationner avec des lupins et des poros. Quoique le poro n'ait rien de bon par lui-même, il est certain que la tête est ce qu'il a de moins mauvais et de moins désagréable au goût. Cependant, par un caprice trop ordinaire à votre sexe, j'ai vu plusieurs de ces mêmes dames empoigner les poros par la tête et en savourer la queue, qui a pourtant un fort vilain goût. Que savais-je, madame, si en fait d'amant vous n'auriez pas un semblable caprice, et dans ce cas, je devais naturellement m'attendre à être préféré à tous les autres. Ce discours, auquel on ne s'attendait guère, couvrit la veuve et les autres dames d'un peu de confusion. « Notre témérité, monsieur, dit Madame Chisolieri, s'adressant au médecin, a reçu le juste châtiment qu'elle méritait. Je vous prie, monsieur, d'être bien persuadé que, loin de vous en vouloir, je suis très flatté des sentiments que je vous ai inspirés. Je fais cas de votre amitié comme de celle d'un homme aimable. Ainsi, comptez sur ma reconnaissance et sur tout ce qui dépendra de moi pour vous obliger, persuadé que vous n'exigerez rien que d'honnête. » Maître Albert remercia la veuve de ses offres obligeantes, puis il se leva, prit congé de la compagnie et se retira en éclatant de rire. La dame se trouva fort sotte et se reprocha plus d'une fois d'avoir voulu badiner un homme qu'elle ne connaissait presque point et qui en savait beaucoup plus qu'elle sur l'article de la raillerie. Si vous êtes sage, mes chers amis, vous profiterez de son imprudence. Ainsi s'achève la première journée du Décaméron de Boccace.